cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Histoire de femmes artistes, lutter pour créer. Quand monsieur part travailler, madame reste au foyer. Elle s'occupe de couture ou de tapisserie. Bah, c'est le cas pour Pénélope qui attend Ulysse, ou pour la tapisserie de Bayeux, dite à tort de la reine Mathilde. Le 30 juillet 1903, Jean Jaurès se trouve à Albi où il prononce un discours pour la remise des prix aux lycéens. Il dit « Le courage, c'est de surveiller exactement sa machine à filer ou à tisser pour qu'aucun fil ne se casse » et de préparer cependant un ordre social plus vaste et plus fraternel où la machine sera la servante commune des travailleurs libérés. La tapisserie pour se libérer, est-ce la démarche de l'artiste textile Annie Albers? Camille Morino, bonjour. Bonjour. Mais qui est Annie Albers? Alors c'est une artiste assez extraordinaire qu'on redécouvre aujourd'hui, mais qui finalement, de son vivant, était déjà assez célèbre et qui faisait ce qu'on pourrait décrire comme de la tapisserie picturale ou des tableaux en fil, et qui a inventé un petit peu ça au moment du Bauhaus dans les années 30 en Allemagne. Voilà, parce que le contexte est très important. Hein. Nous nous situons dans ces années 1930 avec le Bauhaus. Il faut peut-être rappeler aussi ce qu'est le Bauhaus, parce que c'est un moment, un lieu aussi, et c'est formidable, il se passe plein de choses, c'est foisonnant. Qu'est-ce que le Bauhaus? C'est une école qui a vraiment effectivement été une sorte de ferment de la modernité en Allemagne, qui a été d'ailleurs une des premières à annoncer une forme de parité, alors qu'en réalité, on va le voir, c'était pas tout à fait juste. Les femmes n'avaient pas tout à fait les mêmes droits que les hommes artistes dans cette école, mais enfin, de fait, c'est une école où enseignaient, par exemple, Paul Klee, Vassili Kandinsky, les meilleurs artistes du temps, notamment y enseignait l'abstraction, le rapport entre la couleur et l'espace, on y a réinventé le théâtre, la danse et aussi le design, l'architecture, la photographie. Oui, quand je disais foisonnant, c'est effectivement foisonnant et avec du beau monde, attention, belle archive, Nina Kandinsky. Vous savez, les artistes qui travaillaient là-bas, c'était des artistes très importants et en même temps, ils étaient des vrais idéalistes, ce qui n'arrive pas souvent. On était très mal payés là-bas. Alors, on a donné beaucoup, beaucoup de temps pour l'école. Mais on a travaillé avec joie. Il y a eu un très bon contact entre les élèves et entre les professeurs. Et d'ailleurs, il ne s'appelait pas les professeurs, il appelait ça les maîtres, donc maîtres. Et les maîtres, entre eux, étaient en somme toujours plus que corrects et très, très amicales. Alors Kandinsky, en venant là-bas, a fait four courses, c'est-à-dire l'enseignement primaire pour tout le monde doit passer par cet enseignement. La première année, en quelque sorte. La première année. Mmh. Et puis, il a eu la classe de la peinture murale. 1925, Bauhaus a dû être fermé parce que la ville n'a pas prolongé la bourse. Et voilà, c'était comme ça. On entend quand même dans cette archive Nina Kandinsky, donc deuxième épouse de Vassili Kandinsky, qui évoque ce qui s'est passé à ce moment-là au Bauhaus, des relations très particulières entre les élèves et les maîtres. Avec, on ne dit pas professeur, c'est ce monde formidable. Vous avez évoqué, Camille Morino, cette parité. Aïe, peut-on discuter un peu de cette parité au Bauhaus? Oui, alors c'est vrai que c'était une utopie héritée d'ailleurs des pays d'Europe de l'Est. Hein. Faut pas oublier que les constructivistes russes, de fait, les premières expositions futuristes ou abstraites, il y avait autant de femmes que d'hommes. Donc c'était une idée très moderne qui était annoncée comme telle à l'ouverture du Bauhaus, mais qui ne s'est pas réalisée puisqu'en réalité, les femmes artistes comme Annie Albers n'ont pas eu accès aux ateliers peinture, sculpture, mais ont été cantonnées à l'atelier textile. Oui, c'est ça qui est très important parce que elle aurait voulu faire quoi, Annie Albers? Elle aurait voulu faire de la peinture. Oui, c'est ça, faire la peinture, éventuellement travailler dans d'autres ateliers. Ida Soulard est avec nous également aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Ida Soulard, vous réalisez une thèse, une histoire textile de la modernité, Annie Albers et les ateliers textiles du Bauhaus au Black Mountain College. C'est avec qui cette thèse? C'est avec Maria Stavrinaki et Guitemi Maldonado. Toujours important de citer ceux qui dirigent les thèses. Justement, Ida Soulard, dans ce parcours d'Annie Albers, ce choix du textile ou cette frustration d'être obligé d'aller sur ce chemin-là est quelque chose qui nécessite d'être un peu contextualisé, même dans ce monde formidable d'émancipation que pouvait être le Bauhaus. C'était pas si évident. Oui, alors pour rebondir aussi sur ce que disait Camille Morano, en effet, Walter Gropius, qui était le directeur du Bauhaus dès son ouverture, donc en 1919, avait proclamé qu'il n'y aurait pas de distinction entre le beau sexe et le sexe fort. Le problème, donc, c'est aussi permis par un contexte plus général d'ouverture de l'Allemagne de Weimar, des académies aux femmes. Et le problème, c'est que dès la première année, il y a 84 candidatures féminines pour 79 candidatures masculines. Or, restait quand même le fait que pour construire les formes du futur, qui était l'objectif du Bauhaus, ça restait quand même un travail masculin. Trop de femmes, ça faisait pas très sérieux. Donc assez vite, dès 1920, sous la pression aussi des maîtres artisans et des maîtres de la forme, qui étaient les deux caractéristiques des ateliers du Bauhaus, qui étaient dirigés par des maîtres de la forme, des artistes et des maîtres artisans, sous leur pression, ils décident de créer ce qu'ils appellent un département des femmes, qui est l'atelier textile. Donc Annie Albers, au départ, voulait faire de la peinture et du vitrail, puisqu'elle avait rencontré Joseph Albers. Puis on lui explique que finalement, il n'y a pas vraiment de place dans l'atelier vitrail. Et donc, une des seules options qui lui reste pour intégrer le Bauhaus, c'est l'atelier textile. Ouais, c'est lourd de sens, hein, parce que là, nous entrons dans des phénomènes de société beaucoup plus larges, où les femmes sont associées à ces activités domestiques du textile. Hein. Camille Morino, c'est quoi en fait cette vision de se dire, bon, allez, il y a un atelier textile, eh bien mesdames, allez là. C'est étonnant de se dire de ces gens qui étaient, alors, en avance sur son temps, on ne veut pas dire grand-chose, mais enfin qui réfléchissaient justement à la question de parité, ils n'arrivaient pas, ils étaient quand même victimes d'un regard social un peu dominant. Oui, on appelle ça aujourd'hui des stéréotypes de genre. À l'époque, l'expression n'existait pas, mais elle était extrêmement prégnante. Hein, et c'est un peu compliqué à imaginer aujourd'hui à quel point c'était violent pour les artistes femmes pendant très longtemps d'arriver à avoir la même éducation que les hommes d'une part, et ensuite une carrière qui ressemble de près ou de loin à celle des hommes qui étaient leurs contemporains. Et justement, Annie Albers elle-même s'est exprimée sur ce sujet, sur le textile. Tout nouveau départ est déroutant, et l'endroit où il peut mener est caché dans les plis du futur. Mon début était loin d'être ce que j'avais espéré. Le destin a mis entre mes mains des fils mous, des fils pour construire un avenir. Mais la méfiance s'est transformée en croyance, et j'étais en route. C'est Vanda Benez dans le cours de l'histoire sur France Culture qui lisait ces quelques mots d'Annie Albers qui évoquent, ces fils mous. Il y a quelque chose de formidable, Ida Soulard, dans la réflexion autour du matériau lui-même. Vous nous l'avez dit, Annie Albers a pu vouloir faire du vitrail. Le vitrail, c'est dur, c'est du matériau cassant, solide. Le fil, c'est mou. Il y a toute une réflexion à avoir, justement, sur le rapport entre la féminité et le textile. Oui, alors Annie Albers, elle a un vocabulaire très conquérant, puisqu'elle dit qu'elle était très déçue de rentrer dans cet atelier puisqu'elle voulait un territoire à conquérir, un vrai travail d'homme. Donc elle était très déçue de se retrouver dans cet atelier textile. Qui au départ, quand elle s'est retrouvée confrontée à ses fils, c'est un atelier qui était tenu par une femme, Hélène Burner, assez peu de connaissances techniques. Et Annie Albers s'est rendue compte assez rapidement que le tissage, parce qu'elle, elle fait que du tissage, pas de broderie, pas de couture, pas de macramé, du tissage. Le tissage relevait en réalité de processus structurels, de codes, d'informations. Et le tissage, c'est le croisement de deux systèmes de fils à angle droit, qui crée un plan pliable, donc qui est aussi un plan en trois dimensions, avec une épaisseur, une densité, etc. Et c'est avec tous ces paramètres qu'Annie Albers va travailler. Mais ça lui paraissait très étrange de dire qu'il y avait cette grande histoire pré-industrielle du lien des femmes et du textile, Pénélope, les déesses moires, etc., liée à la féminité, liée à la fertilité, etc. Alors que pour elle, ça lui semblait être beaucoup plus proche de ce qu'elle appelle une inclinaison masculine, c'est-à-dire des questions de structure, beaucoup plus que des questions d'ornement, d'ajout, de décoration, etc. Quelque chose presque de mathématique hein, avec le tissage dans son regard. C'est fascinant ce que vous venez de dire parce qu'il y a presque une liberté dans cet atelier de tissage, au sens où, comme vous l'avez évoqué, les techniques semblent moins importantes que dans d'autres ateliers. Et cette liberté va être très bénéfique pour Annie Albers parce qu'elle va savoir la saisir. C'est ça aussi qui est intéressant. Comment on détourne, en fait, pour cette femme, la place où on l'a contraint, où on la case, là, dans cet atelier de textile. Oui, et Annie Albers, elle va faire de toutes les contraintes des forces. Des contraintes économiques, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, même pour teindre les fils, etc. C'est un atelier qui est relégué vraiment dans un rang mineur au sein du Bauhaus lui-même. Mais pendant 3 ans, elles ont une liberté totale. Elles peuvent expérimenter, elles font ce qu'elles appellent des tissages spéculatifs, donc des tissages qui n'ont pas de fonction, qui n'ont pas de nécessité. Elles apprennent, elles essayent. Il n'y a pas de théorie préalable, il n'y a pas de cadre formel qui existe pour faire du textile une sorte d'arme moderne. Et donc, elles expérimentent librement pendant des années jusqu'à trouver la spécificité moderne de ce médium. Et elles écrivent beaucoup. Et Annie Albers va être la première à écrire un texte pour défendre aussi cette pratique qui est une pratique toute nouvelle et qu'elles veulent mettre sur le même rang, au même niveau que l'architecture, la peinture, la sculpture, le grand art. Je vais vous poser une question difficile, Ida Soulard. Nous sommes à la radio, donc l'image se crée dans la tête des auditeurs, des auditrices. Dans sa production textile, alors nous sommes vraiment au début de son travail. À quoi cela ressemble-t-il ? Est-ce une parodie de peinture ? Parce qu'on le sait bien, un tableau, un carton, un dessin peut être transformé en tapisserie, et ça depuis longtemps, depuis le Moyen-Âge, on voit ces grandes tapisseries. Quelle est sa démarche ? Alors justement, elle s'éloigne, ces femmes, de ce grand modèle moderne des hommes, et il y en a eu beaucoup qui font des cartons pour des tapisseries, des dessins qui vont être ensuite tissés. Elle décide de travailler directement à partir des matériaux et d'essayer de voir ce que ces matériaux peuvent faire. Donc il y a assez peu de dessins préliminaires, elle travaille directement sur le métier à tisser. Et puis elles vont créer, alors au départ malgré tout, des objets ou en tout cas des textiles pour l'architecture qui était le but du Bauhaus, un lieu pour l'architecture. Et donc les premières œuvres d'Annie Albers sont des grandes tentures murales, donc des tissages d'assez grand format, mais qui ont des formes très simples, avec souvent du noir et blanc, des variations de gris, des couleurs primaires. Et des rapports de symétrie, des jeux d'inversion, des formes en damier, donc des choses qui paraissent extrêmement simples visuellement, mais qui sont en réalité très complexes à obtenir techniquement. Et puis avec cette esthétique évidente, parce qu'il y a cette réflexion sur la technique elle-même, et puis il y a ce rendu qui a interpellé les contemporains. Ceux qui ont vu son travail se sont dit, tiens, il se passe quelque chose. Camille Morino, vous êtes conservatrice du patrimoine, historienne de l'art, et dans ce regard que vous portez sur les artistes femmes de 1905 à nos jours, c'est le titre de votre ouvrage, Artistes femmes de 1905 à nos jours, justement, quelle est la place d'Annie Alberts dans cette création? C'est très difficile aussi d'être femme artiste en ce début du XXe siècle, de trouver dans le champ artistique une voie, alors légitime, légitimante, ou en tout cas simplement une voie possible. Alors c'est difficile, mais on voit en faisant des recherches, et c'est le but de l'association AWARE que je dirige, AWARE comme Archive of Women Artists Research and Exhibition, où on a publié aujourd'hui 800 biographies d'artistes femmes. Pour répondre à votre question, c'est à la fois, oui, difficile, mais en même temps, beaucoup, beaucoup d'artistes femmes, des centaines d'entre elles, vont réussir malgré tout à avoir une éducation exactement égale à celle des hommes, à participer à tous les grands mouvements d'avant-garde de la modernité. Annie Albers en est un bon exemple, mais beaucoup d'autres, en fait, en ce début de siècle, participent à ces grandes inventions de la modernité, l'abstraction, l'art textile, l'architecture, la sculpture, etc., la photographie, beaucoup. Donc, c'est à la fois difficile, mais, en fait, pas si difficile que ça pour ces femmes très déterminées, qui vont transformer des contraintes en force, qui vont quelquefois inventer des domaines comme l'art textile qui n'existait pas avant elles, qui vont, comme Sonia Dolonet ou Natalia Goncharova, aussi briser toutes les barrières, aller au-delà de la peinture, faire des décors de théâtre, des costumes de scène, réinventer la chorégraphie. Donc on est aussi dans une invention, dans une radicalité du côté des femmes qui est vraiment en train d'être redécouverte en ce début du XXIe siècle. C'est important de souligner cela, cette association AWARE, Camille Morino, parce que il y a cette évidence plaçons-nous dans les années 1920-1930, qu'énormément de femmes sont artistes. Mais pour faire l'histoire de ces femmes artistes, il faut regarder comment, à un certain moment, elles ont été effacées. C'est aussi cette volonté de l'association EWARE, c'est juste, non pas faire surgir ces femmes comme si elles n'avaient pas été connues, elles ont été connues, elles ont été oubliées, c'est bien cela ? Vous avez absolument raison. C'est-à-dire, ce qui est très étonnant, c'est qu'on se rend compte en faisant des recherches que bien souvent ces artistes femmes qui nous semblent aujourd'hui assez inconnues et invisibles ont été en réalité de leur vivant assez connues. Je pense à Niel Bers qui a eu une exposition dès 1959 au MoMA qui a tourné dans tous les États-Unis. Je pense aussi aux années 20 où beaucoup d'artistes femmes comme Tamara Delem Pica par exemple, Marie Dorencin étaient aussi très très connues. Oui, exactement. Et d'ailleurs, dans l'été indien de Joe Dassin, Marie Laurencin est citée comme quoi, non, mais voilà, il y a ces personnages qui sont des noms connus de notre société. Il y en a d'autres. Par exemple, Sonia Delaunay. J'aime beaucoup Berthe Morisot, j'aime beaucoup, beaucoup de femmes mais qui ont fait quelque chose. Marcel Kahn, par exemple, qui lutte toute seule. Il y a différentes femmes que j'estime, mais je ne suis pas proche d'elles. Pour créer le climat de création, il faut être très indépendant pour être libre. J'étais toujours libre et je ne m'arrêtais pas devant la question argent. Et je me débattais dans mille difficultés avec et sans mon mari, parce que lui, il était tout à fait incapable de la lutte avec la vie. Sonia Delaunay qui s'exprimait sur France Culture en 1973. Sonia Delaunay qui est décédée en 1979 à 94 ans, comme Annie Albers, 94 ans, artiste femme, avec bien presque un siècle de regard. Donc elles ont vu cette évolution. Camille Morino, justement, en écho à ce que vient de dire Sonia Delaunay, il n'y a pas a priori de mouvement féministe d'artistes femmes. Il n'y a pas un côté bande d'artistes femmes, de soutien majeur. Il y a aussi des trajectoires. Elles se regardent, elles s'observent, mais il n'y a pas un mouvement commun. Alors, ça dépend un peu des pays. Il y a eu ce mouvement aux États-Unis dans les années 70, très fort, où le féminisme s'est vraiment constitué autour des artistes, de la résistance à des musées qui étaient considérés comme misogynes, voire carrément machos. Il y a eu des manifestations devant les grands musées américains. En Europe, un petit peu aussi, un petit peu en Allemagne, un petit peu en Autriche, mais moins. Et finalement, ce qu'on vient d'entendre de Sonia Delaunay, c'est assez représentatif de beaucoup de personnalités d'artistes femmes qui ont travaillé assez seules, mais avec une ténacité et un courage incroyable, sans forcément se constituer autour du mot féminisme ou féministe. Oui, c'est ça qui est aussi à souligner. Et quand nous évoquons Sonia Delaunay, nous pensons à son mari, évidemment, Robert Delaunay, donc un couple d'artistes. Et pour Annie Albers, c'est la même chose. Il y a Joseph. Ida Soulard, qui est-il ? Alors, Joseph Albers, c'est un homme qui est né dans la région de la Roure, à Beautrop, qui vient d'un milieu assez populaire. Son père était artisan. Il a enseigné dans un lycée avant de rejoindre le Bauhaus où, à l'âge de 30 ans, il a décidé de tout recommencer. Et puis, il y a cette rencontre avec Annie Albers. Donc, Joseph Albers, il est connu beaucoup pour ses peintures. Il est connu comme un grand peintre, mais au départ, il faisait pas du tout de peinture, c'est arrivé très tard. Il travaillait le vitrail, donc le verre, et puis il a fait plein de choses, du mobilier, des impressions, et puis la peinture plus tardivement. Et il a rencontré Annie Albers donc au Bauhaus lors de la première fois où elle a postulé à l'école, et puis ils se sont mariés en 1925. Et ils sont devenus un peu ce couple iconique, moderne, qui a aussi traversé deux continents, deux écoles expérimentales, deux projets philosophiques de modernité, etc. Et ils ont eu une influence tous les deux, majoritairement par lui, mais tous les deux une influence fondamentale sur tout l'art américain des années 50 et 60. Oui, parce que nous nous situons en Allemagne dans ces années 1920, les années 1930 arrivent et évidemment le contexte politique est essentielle dans cette histoire-là. Tous les deux, le couple Annie et Joseph Albers, décident de partir aux États-Unis. Ils quittent l'Allemagne nazie. Ils partent à quel moment ? Ils partent en 1933, parce qu'il faut rappeler quand même que Annie Albers, avant d'être Annie Albers, s'appelle Anneliese Fleischmann, et qu'elle est, comme elle disait, juive au sens de Hitler, c'est-à-dire que sa famille s'était convertie au protestantisme deux générations avant, mais elle est toujours considérée comme juive, et donc elle a très vite quand même l'urgence, la nécessité de quitter l'Allemagne. Et puis ils sont invités tous les deux par Philip Johnson, qui est un architecte et qui à l'époque dirigeait le département d'architecture d'une toute nouvelle institution qui était le Musée d'art moderne de New York, le MoMA, qui les avait rencontrés en Allemagne à plusieurs reprises, qui estimait beaucoup le travail de Joseph Albers et celui d'Annie Albers, et qui propose leur nom à cette toute nouvelle entité qui se construit en Caroline du Nord, qui s'appelle le Black Mountain College. Et ils sont invités par le Black Mountain College en 1933 à venir, pour Joseph Albers, diriger le département art de cette université libérale qui se construit, et pour Annie Albers à monter un département textile. Justement, nous nous rendons au Black Mountain College. L'histoire de Black Mountain est une histoire assez ancienne. Je pense que l'origine de la naissance du collège doit remonter autour des années 30 et autour de la crise économique aux États-Unis. Et c'est une expérience qui est en réaction, d'une certaine façon, avec les problèmes que pose la grande crise américaine. C'est une expérience de communauté, disons, entre guillemets, socialiste, n'est-ce pas ? C'est-à-dire où tout le monde participe à la constitution de la communauté. On fabrique ses vêtements, les élèves et les professeurs fabriquent leurs vêtements, cultivent les champs, se nourrissent de ce qu'ils cultivent, et les rapports entre élèves et professeurs sont des rapports pas du tout, comment dire, académiques, pas du tout de rapports de maître à élève, mais, si vous voulez, des rapports beaucoup, beaucoup plus ouverts et beaucoup plus informels. En 1976, c'est Marcelin Plenet, le critique d'art, qui s'exprimait sur le Black Mountain College. Camille Morino, justement, nous avons ici, avec ce Black Mountain College aux États-Unis, un écho formidable à ce qui s'était passé en Allemagne avec le Bauhaus. C'est très intriguant de voir que tout cela, en fait, ne se cantonne pas au domaine artistique. Il y a des projets beaucoup plus larges de société. C'est politique, tout cela. Alors, politique, oui, dans le sens où les écoles d'art sont des lieux d'invention, que les États-Unis, avec cette école d'art, vont effectivement lancer quelque chose de très pluridisciplinaire en écho au Bauhaus et créer toute une génération d'artistes assez extraordinaires aux États-Unis qui vont, par ricochet d'ailleurs, influencer les artistes européens. Donc, ces écoles sont des lieux d'invention, mais c'est des lieux de décloisonnement aussi, des hiérarchies, des stéréotypes de genre. Où des artistes femmes vont être reconnues, vont être importantes, vont enseigner. Donc projet politique, projet pédagogique et projet de société certainement aussi. Et pour le couple Albers, c'est l'occasion aussi de découvrir encore autre chose. Hein. Ida Soulard, c'est une période qui est une période de création très forte. Pour eux, dans ce couple, il y a une émulation l'un et l'autre, ou alors pratiquent-ils chacun dans leur domaine une création artistique qui serait parallèle ? Alors, ils sont, en effet, c'est une période pour eux très très prolifique. C'est un couple qui fonctionne toujours en parallèle. Ils ont des façons très différentes de répondre à des problèmes de l'époque, des problèmes formels, esthétiques de l'époque, mais ils vont constituer une collection commune. À partir du Black Mountain College en Caroline du Nord, ils vont se déplacer beaucoup, ils vont faire plus d'une quinzaine de séjours au Mexique, en Amérique latine. Ils vont découvrir un nouveau type d'art. Ils vont aussi découvrir donc l'art ancien. Et ils vont débuter une collection de petites figurines, de textiles andins, mésoaméricains. Et puis ils vont aussi découvrir ensemble toute la modernité mexicaine. Ils vont rencontrer Diego Rivera, ils vont rencontrer Luis Barragán, les architectes, les peintres, les sculpteurs, les designers aussi. Ils vont s'ouvrir à tout un nouveau champ d'influence. Eh bien tiens, justement, ils vont au Pérou et regardez là-bas, il y a un condor qui passe. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. I'd rather be a sparrow than a snail. rather be a hammer than a nail. Yes, I would, if I only could, I surely would. Street, yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Et le Condor passa dans le cours de l'histoire sur France Culture avec Simon & Garfunkel. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Jacques Hubert. Femme artiste, femme en lutte. Aujourd'hui, Annie Albers. Tis, prouve que tu existes. Un destin assez passionnant en fait. Un destin qui est un destin de couple, hein, Annie et Joseph Albers, exposition qui leur est dédiée au Musée d'Art Moderne de Paris. Les deux sont associés, Camille Morino. Cependant, Annie Albers est reconnue artiste en tant que telle. Et ça, dès les années 1940, c'est une évidence, elle est reconnue comme artiste. Oui, c'est vrai qu'elle fait partie des très rares artistes femmes qui ont une reconnaissance de leur vivant, dans son pays, les États-Unis, où elle a des rétrospectives, hein, qui voyagent, et où ses œuvres sont montrées comme des œuvres plastiques. C'est pas de la tapisserie, c'est de la peinture tissée. J'espère, Ida, que vous êtes d'accord avec moi quand je dis ça. Mais c'est assez extraordinaire de voir que, effectivement, pour cette artiste femme, il y a une reconnaissance. Elle a aussi des commandes industrielles, de la fibre Knoll. On lui demande de faire aussi une chapelle. Au musée, une chapelle juive, la synagogue d'Ida. Ouais. Bref, elle est vraiment reconnue, elle a des commandes, elle gagne, je pense, assez bien sa vie. Enfin, bon, pas plus ni mieux que d'autres artistes hommes, mais c'est assez rare dans l'histoire des artistes femmes. Et c'est important déjà de le souligner parce que ce n'est pas un cas qui fait la généralité. Et pour les artistes femmes, le chemin est bien difficile. Annie Albers, elle trouve le sien. Ida Soulard, dites-nous, son travail évolue, j'imagine, parce que, en travaillant sur le textile, mais elle est presque à la racine de toute cette réflexion artistique, donc tout est à découvrir et elle invente sans arrêt. Vers quelle voie évolue son œuvre ? Alors, d'abord, quand elle arrive au Black Mountain College, il faut qu'elle construise tout l'atelier de tissage, il n'y a rien. Et puis elle parle anglais, mais pas très bien. Elle avait une gouvernante anglaise, parce qu'elle venait d'un milieu bourgeois, mais elle dit qu'elle connaissait des mots comme « cochon d'Inde », qui lui servaient pas beaucoup. Donc ça lui a pris un certain temps avant de monter l'atelier de tissage, etc. Et elle a commencé à faire des tissages assez nouveaux, où elle introduit beaucoup plus de couleurs, une dimension beaucoup plus affective. Des titres aussi, qui sont des titres beaucoup plus évocateurs, de langue, de lieux, qui s'appelle pâturage, qui s'appelle code, qui s'appelle de langage, etc. Et puis donc elle va vers ce que Camille Morino donc appelle des formes plus picturales qu'elle appelle les tissages picturaux, qui sont des petits tissages qui fonctionnent plus comme des peintures et comme des tapisseries. Et ça jusqu'à peu près dans les années 60. Et elle a cette grande exposition monographique, la première pour une artiste textile au MoMA, au Musée d'Art Moderne de New York, en 1949, dont le commissariat, l'organisation de l'exposition est faite par Philip Johnson, qui est un peu la consécration de son travail. 1949, au MoMA, une exposition Annie Albers, l'art textile. Écoutez, c'est très intéressant parce que au même moment, en France, 1949, au Salon des Femmes, il y avait des expositions textiles. Attention, hein, le titre de l'émission, c'est « La femme au foyer ». Les femmes, on le sait pour la plupart, excellent dans les travaux artistiques. Et il n'est, pour s'en rendre compte, que de se rendre à l'exposition des femmes peintres et sculpteurs. La section des arts décoratifs est confiée, comme chaque année, à Marie Dora, que notre collaborateur Claude Darget accompagne aujourd'hui à notre micro. Eh bien Marie Dora, puisque vous avez bien voulu venir devant notre micro, voulez-vous nous dire comment vous vous y êtes pris cette année pour rester dans la note? Il a fallu faire un très gros effort pour faire venir parmi nous toutes les femmes décorateurs. Je voudrais les nommer toutes. Non, ça, ce serait trop long. Mais vous en avez beaucoup. Elles représentent toutes les écoles. Elles représentent toutes les écoles et il y a des choses très différentes. Et puis de la tapisserie, de très belles tapisseries de Claire. Dites-moi, de tout ce qu'on vous a envoyé, de quoi êtes-vous personnellement le plus satisfaite? Le plus satisfaite, oh, vous me prenez un petit peu au dépourvu. Ça m'est très difficile. Je ne veux tout de même pas faire d'aparté. Non, mais enfin, vous avez le droit d'avoir un goût personnel. Eh bien, j'estime que cette année, le clou de ma section, ce sont les tapisseries de Claire. Ce sont les tapisseries de Claire. Ma salle est calée, elle est réchauffée par ces belles tapisseries. Je vous assure, j'ai cherché avec Laurence Millet qui réalise l'émission qui était cette Claire, mais ce n'est pas cité dans l'archive. C'est une archive de juin 1949, le Salon des Femmes Peintres. Camille Morino, il y a un écart, et c'est vrai que l'historienne est obligée toujours de le prendre en compte, un écart social entre ce qui se passe en 1949 au MoMA, le Musée d'Art Moderne de New York, avec cette exposition Annie Albers, et puis ce qui se passe en France. C'est-à-dire que le regard porté sur la place d'une femme artiste dans la société n'est pas du tout le même selon les cercles où nous nous trouvons. Il y a un cercle, on va dire, qui est là sur l'avant-garde, et puis après, il y a le regard, là, en l'occurrence, des médias, qui est très distant. Alors, je suis pas forcément d'accord avec vous. D'abord, cette interview elle est très drôle parce que l'homme ne cesse de couper la parole à la femme. Ce que la pauvre, elle n'arrive pas du tout à dire ce qu'elle voudrait dire. Mais il faut pas oublier qu'en France, il y a une artiste qui va être aussi très connue, très célèbre, hein, qui est Nikita Saint-Phalle. Quelques années après, hein, on est dans les années 60, mais qui sera de fait bien plus médiatique que Jean Tinguely, son mari. Et ou bien plus connue finalement dans les médias que quelqu'un comme Andy Warhol. Donc la France est pas si en retard que ça finalement. Et c'est en France d'ailleurs que va s'établir une des élèves d'Annie Albers, Sheila X, une américaine qui va soutenir sa thèse avec Annie Albers, s'installer en France, créer des œuvres textiles, sculpturales, picturales, tout à fait dans la tradition et dans l'esprit d'Annie Albers. Ben justement, Sheila X est avec nous. Comme je vous avais dit, il n'y avait pas des femmes professeurs, seulement hommes. Très très peu des femmes, même dans le programme. Il fallait travailler comme une folle pour rester dans l'école et dans le programme d'Albers parce qu'il était extrêmement précis. Il demandait beaucoup. Il demandait, pour commencer, d'articuler votre idée clairement, visuellement et verbalement. Quand il entrait, il me demandait toujours « Was ist das, girl ?» Parce qu'il faisait le tour tout le temps dans l'école pour les étudiants. Il donnait des classes ensemble et après, individuellement, il passait pour donner des critiques. Il m'a dit un jour, je t'amène chez moi pour connaître ma femme. Soyez prête jeudi à 4 heures. Voilà, ben j'espère que Sheila X était prête, je pense. Artiste textile, Sheila X qui s'exprimait en 2018 hein, sur l'enseignement qu'elle a reçu de Joseph Albers et puis sa rencontre avec Annie Albers. Justement, ici, il faut sans doute rappeler combien l'un et l'autre, tant Joseph qu'Annie, ont été très importants dans l'influence qu'ils ont eue sur la théorisation de l'art. Alors, chacun dans leur domaine, hein, mais en tout cas pour Joseph Albers, sur la couleur, c'est très important. Ida Soulard. Oui, les deux. Alors, Joseph Albers, il a eu un impact qu'on connaît et qui a été majeur sur toute une scène picturale. Il a beaucoup enseigné, d'une part. Donc, il enseignait à partir des années 50 à l'université de Yale, où Sheila X était son étudiante. Il a écrit ce livre, L'interaction des couleurs, qui, je crois, est un des livres de peinture les plus vendus au monde, traduit dans un nombre incalculable de langues, et qui a eu un impact sur les scènes picturales, mais aussi sur l'art minimal, sur tout l'art des années 50, 60, 70. Annie Albers a écrit aussi deux livres en 59 et en 65, un livre qui s'intitulait « On Weaving, du tissage » et un livre « On Designing, sur le design », qui montre bien aussi ces deux chemins de travail, un travail de tissage et artistique et un travail de design. Et ils ont eu tous les deux un impact fort. Annie Albers, il est plus difficile à quantifier. Mais sont passées par le Black Mountain College beaucoup de femmes qui elles-mêmes ont ouvert leurs écoles ou ont travaillé dans des universités un peu partout, en Californie, dans le New Jersey, etc. et ont diffusé dans tout le pays la pensée, le travail d'Annie Albers. Et justement, elle a écrit, effectivement, il faut le rappeler, Annie Albers, des ouvrages traduits récemment. Parce que dès qu'il est question de cette économie et de la diffusion des savoirs, des échanges culturels, il faut penser aux traductions. Ida Soulard, pour Annie Albers, bon, vous terminez votre thèse, mais vous avez dû travailler sur les exemplaires en anglais. Maintenant, les lecteurs français vont les avoir en français. Exactement. Et alors, donc, on a publié, on a traduit son livre pour, avec les presses du réel, cette année en français, donc, du tissage. Une version espagnole était sortie il y a 2 ans. Me semble-t-il, mais sinon jusque-là c'était accessible uniquement en anglais. Et je pense qu'il y a beaucoup de livres sur le textile, sur le tissage, sur les arts dits fibrés, le fiber art aux États-Unis, qui sont majoritairement en anglais et qui intéressent des scènes principalement anglo-saxonnes. Et c'est quelque chose qui a eu du mal à rentrer aussi dans les discours en France. Voilà, peut-être Camille Moreno. Oui, j'allais vous poser la question, Camille Moreno, justement, dans ces transferts culturels, nous sentons bien qu'aux États-Unis, il y a une effervescence. Et puis, il y a tous ces mouvements en parallèle, le féminisme notamment. Vous avez cité Niki de Saint-Phal, mais vous avez travaillé à l'exposition Niki de Saint-Phal et vous avez fait le catalogue aussi de l'exposition. Justement, il y a ce mouvement très lié d'échange sans cesse, mais nous l'entendons bien dans le cas d'Annie Albers, il y a comme un retard de traduction. C'est très compliqué aussi de diffuser cette posture, ce travail de femme dans le monde entier. Alors, c'est vrai que la France a un petit retard par rapport à ce qu'on appelle aux États-Unis les gender studies, c'est-à-dire l'étude des sciences humaines globalement à partir du point de vue du genre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes importants, théoriques, qui sont pas encore forcément traduits en français. Ceci dit, je vois aujourd'hui dans le travail des jeunes artistes en France et en Europe énormément d'influence, alors indirecte, mais d'influence vraiment réelle, beaucoup de présence de ce textile dans des sculptures, des peintures, des œuvres sous forme d'installation. Donc de fait, aujourd'hui, pour beaucoup d'artistes, c'est une évidence de travailler le textile, mais il faut se remettre en arrière dans les années 40-50 où c'était tout à fait nouveau. Oui, tout à fait nouveau et c'était l'occasion justement pour Annie Albers de théoriser cette démarche, ce matériau, le textile, matériau sublime, très ancien, dont elle fait une œuvre. Il est intéressant à cet égard d'observer que dans les mythes anciens de nombreuses parties du monde, c'est une déesse, une divinité féminine qui a apporté l'invention du tissage à l'humanité. Quand on se rend compte que le tissage est avant tout un processus d'organisation structurelle, c'est surprenant car aujourd'hui, la pensée en termes de structure semble plus proche de l'inclination des hommes que de celle des femmes. Annie Albers qui s'exprimait en 1957, c'est une lecture de Vanda Benes dans le cours de l'histoire. Ida Soulard, vous nous l'avez bien dit que Annie Albers réfléchissait, mais sur le temps très long, sur l'histoire, cette démarche de saisir le fil, de le tisser. Le métier à tisser devient la machine et qu'il y a comme un basculement où d'un seul coup, il y a une place très masculine dans cette fabrication, dans la création. Annie Albers avait une réflexion féministe très forte dans sa pensée. Alors, pas du tout. Elle est très éloignée. Je pense que ça fait pas du tout partie de son environnement mental, ces questions de féminisme. Et quand la question lui est posée, dans les années 60, 70, etc., elle s'en tient assez éloignée. Mais comme beaucoup de femmes de son époque, je pense qu'elles avaient aussi elles devaient survivre, et donc elles travaillaient comme des hommes, pour Annie Albers en tout cas. Il y a aussi, je pense, chez Annie Albers, quelque chose de très important qui va évidemment avec son époque, qui est la tentative de chercher des formes atemporelles, universelles, détachés de la personnalité, de l'identité, de la subjectivité de leur auteur. Et pour beaucoup de ces femmes, et notamment une étudiante d'Annie Albers et de Joseph Albers, Ruth Azawa, qui était une sculptrice qui a été connue pour ses grandes structures métalliques, sculptures métalliques, etc., biomorphiques, etc., qui cherchait également cette atemporalité, sortir de la subjectivité, rompre aussi peut-être avec l'identité un peu trop située qui était la leur. Donc pour Annie Albers, ça n'a jamais été véritablement une question. Dans toutes ces femmes que vous avez pu étudier, Camille Morino, et notamment avec l'association Aware, Annie Albers est-elle un cas particulier, ou alors avons-nous, tout ce que nous venons d'entendre, Dida Soulard, quelque chose d'assez général dans cette démarche de création, créer comme une artiste, comme un artisme, peu importe en fait le genre, c'est créer avant tout. Alors je dirais que toutes les artistes femmes, exactement comme les hommes, sont d'abord des artistes. Ça, c'est une chose importante qu'il faut rappeler. Après, il y a des questions de génération. Le féminisme apparaît dans les années 60. Avant, le mot féministe est compliqué à utiliser. C'est plutôt dans un domaine politique, d'engagement, pas forcément dans le domaine artistique. Donc, beaucoup d'artistes femmes, effectivement, ne vont pas se déclarer féministes. Elles vont parler de la difficulté qu'elles rencontrent à être femme et être artiste, à être mère et être artiste. Sonia Delaunay en parle très bien, par exemple. Mais ce mot féministe ne fait pas partie du vocabulaire. Ceci dit, après, à partir des années 60 et 70, ça commence à devenir un sujet qui est partagé dans la société, qui devient un sujet de certaines artistes, pas de toutes. Certaines s'en réclament, mais pas forcément toutes. Et je rappelle que, effectivement, quoi qu'il arrive, une artiste femme est d'abord artiste. C'est important de le rappeler sans cesse. Camille Morino, vous nous avez dit qu'il y a une redécouverte très récente, dans les années 90, même à la fin des années 1990, d'Annie Albers. Pourquoi un oubli? Déjà, essayez de comprendre cet oubli, parce que est-ce un oubli en raison d'un couple où Joseph Albers prend le dessus? Est-ce en raison du fait qu'elle soit une femme? Ou est-ce tout simplement parce que l'art textile intéressait moins à ce moment-là? Pourquoi un oubli? Alors cet oubli-là, malheureusement, la question, elle est vraiment la question du genre, c'est-à-dire qu'on constate cet oubli, y compris pour des artistes qui ont été très connus de leur vivant. Elles passent par une phase d'oubli quelquefois très importante, qui est liée au fait que ce sont des femmes et qu'on a moins regardé des femmes, on a moins commenté des femmes, on a moins acheté des femmes dans les musées. Elles ont été beaucoup moins représentées par les galeries, donc elles sont pas rentrées dans un marché. Elles n'ont pas donc eu droit à ce circuit de la reconnaissance qui est très important pour tous les artistes. Et donc, il y a un retard de reconnaissance très important pour les femmes. C'est pour ça que l'association Aware est importante. C'est pour ça que toutes les recherches et les thèses sont importantes, parce qu'elles participent à la revisibilisation, je ne sais pas quel mot utiliser, à remettre en lumière ces artistes femmes dans l'histoire. Remettre en lumière ces artistes femmes dans l'histoire avec une redécouverte, nous l'avons dit, dans cette fin des années 1990. Et là aussi, Camille Morino, pourquoi à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là? Là, c'est des questions de société générale. Aujourd'hui, on parle du plafond vert. Aujourd'hui, on est même dans l'époque MeToo. On constate que cet oubli des femmes, il s'est fait dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine artistique, mais aussi dans le domaine des sciences, dans le domaine des techniques, dans le domaine des conseils d'administration, des postes importants dans les sociétés, dans les parlements. Donc c'est une question qui se généralise. Pourquoi les femmes sont-elles absentes? Pourquoi la parité qui a été tellement défendue, qui était quasiment acquise en théorie dans les années 60, n'est pas réelle? Cette question de la réalité de la parité, c'est une question très importante dans les années 90 et aujourd'hui dans les années 2020, on continue à se la poser. Oui, c'est important de montrer cette longue continuité de questionnement, parce que dans le cas d'Annie Albers, on a imposé le textile, mais qui a su le magnifier, nous assistons dans l'histoire à l'appropriation aussi du textile par les hommes, apparaît dans le cours de l'histoire Matisse. Le programme de l'exposition qui vient de s'ouvrir récemment au musée d'art moderne a pour but de montrer au public la production des manufactures nationales depuis 1945. Nous avons demandé à Henri Matisse de nous faire des cartons de tapisserie. Et le résultat répond à votre attente? Le résultat est prestigieux et... Les cartons fournis par Henri Matisse sont de deux espèces, l'un extrêmement sobre de couleur, deux bleus et quatre blancs. Celui-ci beaucoup plus coloré, la femme aux luttes, pour lequel nous avons employé une vingtaine de couleurs. 20 couleurs, c'est le nombre des couleurs employées justement dans l'Apocalypse d'Angers du XIVe siècle. Ah là là, toujours ce temps long, magnifique. C'est en 1949 au Musée d'Art Moderne à Paris que Henri Matisse est sollicité pour ses tapisseries. Ida Soulard, ça y est, cette année 1949, Annie Albers avait son exposition à New York au MoMA. Le fait de légitimer l'art textile et notamment d'intéresser Matisse, y a-t-il un lien à faire avec ce travail qu'elle nous a offert, Annie Albers? Alors, je sais pas s'il y a un lien direct. Néanmoins, il faut quand même, ça me gêne un peu à chaque fois qu'on mentionne ces grands travaux d'artistes, Matisse, mais aussi Le Corbusier, Joseph Albers dans les années 60 a fait des tapisseries aussi, etc. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre ces artistes qui dessinent. Ils font des cartons, des dessins, qui sont envoyés à des tisserandes, qui les tissent pour eux. Ce que font des femmes comme Annie Albers, les femmes de l'atelier textile du Bauhaus, celles des ateliers textiles du Black Mountain College, c'est qu'elles prennent tout en charge de la conception du dessin à la production. Et ce qui fait qu'elles sont restées dans un statut d'art dit mineur, coïncide avec la fabrication, le fait que ça reste un artisanat. Et donc c'est une différence qui reste quand même une différence fondamentale. Et j'aurais juste voulu rebondir sur la question que vous posiez sur pourquoi cette redécouverte ou cette découverte dans les années 90. Et moi, il me semble que ça correspond aussi à un moment qui, les années 90, sont les débuts d'Internet et les débuts de ce qu'on peut nommer une pensée des réseaux, une pensée algorithmique. Et tout à coup, on se rend compte qu'il y a une histoire commune entre le textile, le tissage et l'ordinateur à travers une machine qui s'appelle la machine Jacquard et qui fonctionne à travers un système de cartes perforées. C'est un système qui peut paraître assez complexe et assez simple en réalité. Soit l'aiguille et le fil rentrent dans le trou de la carte, soit ils ne rentrent pas. Donc finalement, oui, non, 1-0, 1-0. Et donc c'est ce système binaire de la machine Jacquard qui est aussi celle de l'ordinateur. Et dans les années 90, beaucoup de théoriciens, de penseurs, se sont rendus compte qu'il y avait cette histoire commune et qu'il était peut-être important de regarder du côté de ces pratiques textiles. C'est magique ce que vous nous racontez l'une et l'autre, Ida Soulard, Camille Morino, parce que nous partons du Bauhaus et nous arrivons directement au cœur des réseaux d'un ordinateur, et tout cela avec comme fil conducteur Annie Albers. Merci vivement à toutes les deux, Ida Soulard. Nous attendons la parution de votre thèse. Finissez-la tranquillement, une histoire textile de la modernité. Merci Camille Morino. Je rappelle, AWARE, l'association avec toutes ces femmes artistes des 19e, des 20e siècles, et puis artistes femmes de 1905 à nos jours. Merci beaucoup à toutes les deux. Il est temps dans le cours de l'histoire de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Les ouvriers qui ont construit la tour Eiffel ont-ils été bien payés? Tous les récits qui évoquent l'histoire de la tour Eiffel insistent sur l'exploit qu'a été la construction d'un monument de 300 mètres de haut dans des délais très rapides, puisque les travaux ont été bouclés en à peine 22 mois. Le montage de la partie métallique a commencé en juillet 1887. Les 18 000 pièces préparées à l'avance avaient été fournies par les forges Dupont et Fould, établies à Pompey, près de Nancy. Ces pièces ont été ensuite tracées, découpées et percées dans les ateliers de Gustave Eiffel qui se trouvaient à Levallois-Perret. C'est là que les ouvriers ont commencé à assembler ces pièces avant qu'elles soient emmenées jusqu'au site sur des charrettes tirées par des chevaux. Le travail le plus délicat a débuté à partir de ce moment-là. Les pièces ont été hissées de plus en plus haut, au fur et à mesure de l'édification de la tour, et provisoirement boulonnées, jusqu'à ce que des équipes de riveurs fixent à grands coups de marteau les rivets définitifs. 117 riveurs et ramoneurs, recrutés parmi les charpentiers de l'entreprise, vont assurer ce travail de force, réalisé sur de petites plateformes sans aucune protection, malgré le froid et le vent. En septembre 1888, un charpentier de la tour Eiffel gagnait 80 centimes de l'heure. Les monteurs et riveurs gagnaient 70 centimes et les manœuvres 60 centimes. Quand on sait qu'à la même époque, le salaire moyen d'un charpentier était de 2,50 francs par jour, On peut en conclure que les salaires accordés aux ouvriers de la Tour Eiffel étaient plus intéressants que sur d'autres chantiers. Mais leur tâche était plus harassante et plus dangereuse qu'ailleurs. De plus, le temps de travail était fixé en fonction des saisons. 12 heures par jour en été, 9 heures en hiver. L'été 1888 ayant été caniculaire, les ouvriers ont dû poursuivre leurs tâches alors que la température a atteint les 40 degrés. En revanche, en hiver, il fallait qu'ils travaillent sous des températures parfois négatives. Le 19 septembre 1888, alors que le chantier venait d'atteindre le deuxième étage, les ouvriers se mirent en grève. Sur les 140 ouvriers habituellement présents, ils ne furent que 27 à pointer ce jour-là. Dans un premier temps, Gustave Eiffel se montra intransigeant. Il annonça aux délégués que, s'ils persistaient dans la grève, des affiches seraient placardées disant que, je cite, « tout ouvrier qui, à 12h30, ne se présentera pas, sera considéré comme n'appartenant plus au chantier de la tour ». Pourtant, face à la détermination des riveurs, Eiffel fut obligé de céder, car en cas d'arrêt prolongé du chantier, tout son planning aurait été compromis et la tour Eiffel n'aurait pas été achevée pour l'exposition universelle de 1889. Finalement, il accepta d'accorder une augmentation horaire de 15 centimes. Le 20 décembre 1888, soumis à la rigueur du froid, les ouvriers menacèrent à nouveau de se mettre en grève. Eiffel utilisa alors une vieille recette patronale, celle qui consiste à manier le bâton et la carotte. Il se sépara des meneurs et promit une prime de 100 francs à ceux qui accepteraient de continuer le travail jusqu'à l'achèvement des travaux. Grâce à ces compromis, la tour fut terminée juste à temps. Youpi, merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Tocienne Vudet, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Sophie-Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes, ainsi que le pourquoi du comment, sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.